pensez-vous peut-être à cette publicité que l'on nous matraque depuis des années pour un parfum bien marketé qui serait pourtant de l'eau sauvage? En tout cas, le constat est là, le mot sauvage est multiple, évoquant tout autant un imaginaire de liberté, de nature que d'aventure. Mais il a été apprivoisé, dompté, bien rangé, au point de n'avoir plus rien de sauvage. De fait, ce terme de sauvage, comme on l'a entendu, est devenu bien familier. On parle de littérature de la wilderness, cette littérature américaine des grands espaces qui plaît tant et se vend bien. Il fait partie d'un pan de l'anthropologie et de la philosophie et il constitue un horizon d'évasion pour quiconque se sent enfermé dans sa petite vie. Comment donc comprendre que l'on ait fait nôtre cette idée de sauvage au point de la dénaturer? Que reste-t-il de sauvage quand on se l'approprie ainsi, quand on se le rend aussi proche de nous et aussi familier? De quoi sauvage est-il donc le nom aujourd'hui? Dans un ouvrage collectif paru aux presses universitaires de Rennes, Christina Noacco et Sophie Duhem ont rassemblé tout cet imaginaire du sauvage dans les lettres et les arts en l'accent sur une figure en particulier, l'homme sauvage. Qu'incarne cette figure que l'on trouve tout autant dans les fictions sur les origines de l'homme que dans une série comme True Detective avec ce personnage diabolisé des bayous de la Louisiane? Puisqu'on évoquait le terme même de sauvage, c'est bien à l'étymologie qu'il faut revenir. Sauvage vient du latin sylvaticus, forestier, de la forêt. Et c'est vrai que ce qui est sauvage semble toujours nous rappeler à cette nature foisonnante, verdoyante, autre, dans laquelle on accepte de perdre nos repères, au moins le temps d'une promenade. Et c'est là l'ambivalence de ce terme sauvage, nous rappeler qu'un ailleurs est possible, que l'altérité n'est pas loin, mais tout en restant dans le confort de ce qui nous est familier. Ce qui est sauvage, qu'il s'agisse d'usage, de terre ou d'espace, n'est donc pas ce qui est absolument autre, différent, mais ce qui se situe à la limite, en miroir de nos propres limites. En témoigne cette forêt, à la lisière, ses plantes, ses arbres, ses végétaux que l'on aime à côtoyer. C'est le premier soir d'octobre que le sort m'a fléché. Nous achevions de nettoyer la rive gauche de la Grande Leyre. Nous avions débardé les arbres surnuméraires, débité les sujets difformes. L'air et l'eau avaient pris la couleur de l'écorce. Il restait, à l'écart du chemin, un pin sciarqué que j'ai dû m'agenouiller pour l'encocher au pied, avec la cognée. Lorsqu'il a commencé à craquer, j'ai fait sans me presser deux pas en arrière, afin de me trouver à l'exact opposé de sa chute. L'équipe s'éloignait avec le matériel. J'entendais les voix se diluer dans la rousseur du soir. Homme des origines ou des confins du monde, homme des bois, homme naturel, homme bête ou homme végétal, comme l'écrit Pierre Bergougnou dans ce pas et le suivant, la dimension sauvage n'a pas été perdue parce qu'elle a toujours et paradoxalement fait partie de nous. Mais elle a été occultée à force d'être utilisée comme un slogan. Comment, et c'est la question qui reste, redéployer ce qui est sauvage en nous, en faire encore un horizon d'interrogation et de libération, et pas de récupération? Eh bien, pour le savoir, je vous propose de lire L'homme sauvage dans les lettres et les arts. C'est sous la direction de Christina Noacco et Sophie Duhem et c'est paru aux presses universitaires de Rennes. Merci beaucoup Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Merci à Mathieu Tarpin qui m'a aidé à préparer cette émission, avec Colomba Grossi, Isis Jourda, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Nicolas Berger qui réalise cette semaine, Cédric Châtelut qui est à la prise de son aujourd'hui. On se retrouve demain pour la suite et fin de notre série sur quatre pièces de théâtre de Tchekhov. Demain, je recevrai à nouveau André Markovitch et Françoise Morvan, traducteurs de Tchekhov. Ils viendront vous parler de la dernière pièce de Tchekhov, La Cerisette. D'ici là, pour réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture, page des chemins de la philosophie. Vous pouvez réécouter l'émission en ligne ou bien la télécharger, la podcaster pour l'écouter à l'heure et dans le lieu de votre choix. Rendez-vous également sur les réseaux Facebook, Twitter, Instagram où nous attendons vos remarques et commentaires. Rendez-vous demain à 10h donc. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.